transporter une émission. Nous devons transporter cette émission du jeudi 23h58 au dimanche. Allez, allez, aide-moi. Oh là là, mettons-nous. Ah oui, il ne faut pas prendre en considération la date que l'animateur dira. Évoquera. C'est similaire, c'est semblable. Quel grognon. Allez, force. Nous voilà rendus au dimanche. Bonne émission. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Fring! Je suis de retour. Je reviens de Paris. Oui, monsieur, arrivé de Paris, je vais vous raconter. Bien sûr, je peux pas passer à côté de tout ça. Très heureux de me retrouver là pour la première de la saison 2017-2018, automne-hiver. C'est un avant-goût de ce que je vais vous proposer pendant toute l'année. Tout ira bien. Non, mais il faut rassurer le public. Quand même, c'est déjà assez déjanté comme ça. Si on les prévient pas que ça va bien aller, il y a quelque chose de solide derrière. Tu parles de qui, là? C'est l'émission, là. C'est quand même bien implanté. Implanté dans l'argile. Implanté. C'est comme le pied bien planté. Oh, si vous voulez pas que je vous le plante dans le derrière, là, soyez calme. Je resterai, oui. Si. Oui, d'accord. Alors, donc, mon voyage à Paris, ça a très mal parti. Quand je commence à prendre mon micro, là, c'est du sérieux. Je décroche ça du sport, on va se parler. Ça fait que j'achète mon billet. On pouvait pas partir de Québec. On pouvait pas faire un vol direct Québec-Paris. Nous sommes ici à l'aéroport Jean Lesage. Nous réparons la piste principale. Là, quand je me suis procuré mes billets au mois de janvier, parce que je suis toujours 6 mois d'avance, hein, j'aime bien me planter un soleil en plein hiver en me disant « Garde, ton objectif est là, champion! Ton objectif est là, champion! Ton objectif est là, champion! » Oui, c'est une sorte de motivation, madame. Oui, attends, tu as bien raison. Et puis, là, quand j'ai vu qu'il me dédoublait ça en me disant « là, ouais, vous partez de Québec, vous allez faire Québec-Montréal, Montréal-Paris. » L'attente pour y s'y rendre, c'était pas si mal, mais c'était le retour. Paris-Montréal. Et pour prendre mon vol Montréal-Québec, 7h15 d'attente. 7h15 d'attente pour un voyage de 35 minutes. Là, je demande aux pilotes avant, tu sais, parce que je suis quand même connu dans les médias. Ben, on prend photo régulièrement, on me demande de signer des autographes dans ma tête, là. Dans la réalité, c'est toute chose. C'est une chose, c'est toi-même, pardon? Et la réalité dépasse les frissons, oui. Effect, dans mon cas, c'est en plein ça. Bravo. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je suis habitué de signer des autographes et je demande au capitaine, au colonel, au chauffeur d'avion, là, le violoncelliste. J'ai dit, vous avez oublié votre instrument? Il dit, garde-moi un autre insignifiant. Il doit être parti sur le partout, la partouze. Mais là, en plus, j'arrêtais pas de... Oh! Non, mais j'ai dit, il faut demander. Frappez et on vous ouvrira. Puis si je frappe pas, ils vont me frapper. Fait que c'est un, c'est moi avant, puis après, s'il reste d'énergie à l'autre personne, ben elle me frappera. Donc, je lui pose la question au capitaine de bord. Parce que moi, tu sais, quand c'est bord, je me sens bien à l'aise avec ça. T'sais. Moi qui ai un pilier de bord, je suis connu partout d'un grand bord, d'un petit bord aussi. Mais... Puis, je suis fermé. Oui, j'ai plus le droit d'entrer dans certains. Ouais. Ben oui. Que voulez-vous? Mais là, c'est pas ça l'histoire. Là. Je demande au colonel, au capitaine Sander, là, qui a pas de chapeau. Hein. C'est pas ceux qu'on voit dans, au cinéma hollywoodien. Là. T'sais, fiers de leur allure. Là. C'est tout déglingué, mon gars. La cravate décrochée. On dirait qu'ils viennent d'une fête illégale offerte à Limoilou. Et puis donc, puis qui s'était fait arrêter par, qui s'est fait arrêter par la police, envoyé dans le panier à salade, la, du panier à salade, en prison, de la prison, tu vas dégriser, après ça on te dégrise, tu t'en vas dehors, arrange-toi avec tes os. Puis là, ben, il dit, c'est vrai, je travaille aujourd'hui, ça fait qu'il s'en va à l'aéroport. Et moi, je dis, regarde, on va se créer le premier contact là, avec les membres du vol. Et puis là, je dis, ben, colonel, je sais que vous êtes tout à fait enchanté que je vous parle, moi, une vedette, là, vous qui n'êtes pas grand-chose à côté de moi. Là, bon. Bon, vous montez dans les nuages, mais vous touchez pas les étoiles comme moi. Il n'a pas trouvé ça drôle. Et puis là, je dis, écoutez, comme je suis un gars sur la radio, une vedette, là, il faut le dire, pourriez-vous-tu... Puis moi, mon français, là, je le maîtrise au plus haut point. Pourriez-vous-tu, lorsqu'on va passer devant Québec, parce que là, on s'en va de Paris, Charles Drôle. C'est Charles Drôle, là, il est drôle. C'est, oui, Charles, madame, Coulisch. Ben oui, dis-moi, c'est bon, voyons. Toi, les vacances, c'est pas bon pour toi, ça. J'étais toujours, en plus, là, je voulais pas t'amener à Paris. J'ai dit, fais le ménage de mon studio, toi, là. Fais-moi briller. Peinture pas, je viens de peinturer, puis c'est beau ce que j'ai fait, bon. Mais mets-toi à nettoyer tout ça. Mets-moi de la bonne bière au frigo. Ajoute-moi des bons portos, parce que j'aime ça le porto. Mets ça dans mon petit bord de porto, parce qu'il me restait une bouteille et demie. Puis là, je suis sous le gros stress quand il reste une bouteille et demie. Une bouteille et demie, là, tu sais même pas si tu peux faire ta nuit avec ça, là. Hey, wow! C'est du sérieux, là. Ça fait que là, moi, je t'ai dit, occupe-toi. Quand tu t'occupes pas, après ça, ton cerveau ramollit, t'es déjà assez dans le moelleux là-dedans, là, monsieur de madame, c'est dans le moelleux. Hein? Oui, toi, c'est de la matière terre glaise. Mais pâte à modeler, plus, non, parce que la terre glaise durcit. La pâte à modeler ne durcit pas. Ou presque pas. Ah oui, ben oui, ben oui, ça durcit. Ils disent de mettre ça dans un sac en plastique. Ça durcit. Mais en tout cas, occupe-toi les manèges. Puis les bras aussi. Fait que lève-moi tout ce beau plancher-là à la langue. À la langue de chez nous. Va dans les coins, dans les petits coins. Puis si t'as faim, là, ben tu vas ramasser peut-être des graines de pain. Des petites tranches de saucisson. Tu sais, quand tu tranches ton saucisson avec le pain baguette, ben tu penses. Tu sais, d'un côté, t'as ton saucisson. Puis l'autre côté, le pain baguette. Hein, c'est pas le même son, le pain baguette. Hein? Houm! Avez-vous remarqué? Houm! Dans le sous-son, c'est pas n'importe qui mange du sous-son. Puis surtout, sous-son rouge, là, pimenté, là, qui te fait suer. Juste en le touchant, tu te brûles les doigts. Imagine-toi l'estomac. Et bonne chance, mon champion. C'est pour ça qu'il te faut de l'enrobage. De l'enrobage. Quand tu sens que le feu est pris, tu boucanes un peu, là, tu sais, t'as les racines de cheveux qui commencent à brûler, puis ça sent tranquillement, là. J'ai bu à Paris une bière extraordinaire. Attendez, excusez-moi, je vais tousser. Une bière extraordinaire. Attendez. Extraordinaire. Est-ce que je pourrais prendre une gorgée d'eau, s'il vous plaît, parce que j'ai quelque chose de coincé dans le gorgoton? Ça m'est arrivé dans une discussion. À chaque année, je sais pas pourquoi, là, il y a comme une saleté qui se place entre mes cordes vocales. puis je suis vraiment étouffé, puis il n'y a personne qui veut m'aider pour me... Non, je change de couleur, puis la personne continue à parler. « Ah, oh, j'ai fait carrière en Disney, ça, j'ai fait carrière. »« Oh, tu es en train de crever, moi, là, là. Lâche ta carrière, puis occupe-toi de moi. » Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Bon, j'ai dit une gorgée. L'histoire de la gorgée, de dire une gorgée, parce que imaginez-vous si je vous aurais dit au départ, est-ce que je peux prendre une dizaine de gorgées? Hey, voyons donc, hey, ton émission dure 2 heures, une dizaine de gorgées, toute l'émission risque d'être passée, puis on pourra pas rencontrer ton invité exceptionnel. Ah, c'est pas le temps, non, c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Alors là, je parle au capitaine, je dis, bon, je suis une vedette. Vous me replacez peut-être pas, parce que vous écoutez pas la radio. Pour les gens intelligents à la radio, les gens qui sont moins vivants, c'est la TV. La TV, ça donne des images. Plus il y a d'images, plus il y a de l'oubli. Bon, fait que si vous pourriez, parce que là, on part de Paris, on s'en va à Montréal, mais quand on va passer par Québec, là, pourriez-vous-tu me parachuter? Je sais, ça se dit pas par pourriez-vous-tu, c'est un personnage. Pourriez-vous-tu me parachuter? Chuter, me chuter, ouais. Ouais. Ouais. Non, non, interdisez. Enlevez pas mon passeport. Je suis pas en train de vous. Je veux pas, je fais pas une attente. Voyons donc, j'ai rien à revendiquer, moi, là, à part vive CKRL, vive Errance Rénaldienne, vive ma radio. J'ai pas autre chose à déclarer. Oui. Oui. Oui. Oui. Oh non. Faut que vous n'êtes pas sérieux. Vous allez m'interdire de... C'est important. J'ai 50 rencontres de placer sur l'horaire, monsieur Jean. Monsieur le capitaine, monsieur Anticon, vous, monsieur vous. Moi, vous n'allez pas me dire. Oh, s'il te plaît. Hey, je vais vous acheter une belle bouteille de champagne. La veuve Clicquot. Vous pourriez déboucher ça avant de partir. Là, ça va vous mettre un peu dans l'ambiance. Non, c'est une blague. C'est pas vrai. Je ne suis pas pour un alcoolique. Voyons. Vous êtes sympathique. Oui. Merci. Fait que là, je m'en vais à ma place. Il m'a laissé une chance. Et fait que là, je m'installe VIP. J'attends mon premier mousseux. Parce que moi, je suis option plus. Mais là, option plus, pour certains, c'est de la chenoute. Prenez pas option plus, mais on va vous dire pourquoi. En vous mentionnant, je vous dirai pas le vol que j'ai pris, là, mais on te propose à 99$, tu choisis ton siège. Ça, c'est merveilleux. Puis t'as un petit traitement VIP. Une fois que l'avion est monté, on te remet un mousseux. Après ça, t'as le droit à un petit sac de croustilles. Après ça, t'as le droit à un petit chocolat, un petit drink. Tu payes rien. Bon, j'espère que t'as payé 100$ aller-retour. Mais là, l'histoire, c'est que depuis 2 ans, je suis obligé de réclamer mes affaires. Oui, mais je suis option plus. Est-ce que je peux avoir mon petit sac avec mon drap, mes écouteurs? Hey, c'est des très bons écouteurs. Ils sont en brosse, pas en plastique. C'est merveilleux, ces écouteurs-là, mais... Le seul problème, c'est que le capuchon dans l'oreille s'ouvre assez régulièrement, donc je rajoute de l'hypoxy. Mais pas quand je les ai dans l'oreille. Et puis, je suis obligé de réclamer mes affaires. Cette année, j'ai pas osé demander mon mousseux. Donc, j'ai fait une plainte. Je paye quelque chose de... Puis, j'ai reçu aucune nouvelle, bien sûr. Tu sais, quand on dit au téléphone, « Votre appel est important pour nous. » Restez là, au pied, tranquille, au chien, je ne paie pas, tiens, pipi, pas pipi, non, tranquille, au chien, bon, couchez. Votre appel est important pour nous, tranquille. Faites la belle. Si on a le temps, on va vous répondre. Sinon, attendez, vous êtes décrotté comme n'importe qui, vous payez le même salaire, vous êtes pas, vous payez le même montant, vous êtes pas VIP, vous, là. Oui, mais j'ai payé 99$. 99$ pour choisir mon... Moi, c'est toujours à côté de la petite... moi, je veux le hublot. J'aime ça, le hublot. Je me demande pourquoi je regarde presque plus dehors. Ah! Puis là, j'ai demandé à l'hôtesse de bière. J'ai dit, peux-tu ouvrir la fenêtre? Il fait chaud, la petite madame à côté. Elle sent la poudrée. J'étais à côté d'une dame qui avait sans doute échappé son parfum. Là, on mange de la bouffe. C'est aussi pire que la bouffe d'hôpital, ce qu'on mange à bord d'un avion. C'est aussi pire. Là, il y a assez que le goût est dégueulasse sans sentir que la bonne femme à côté de moi sent la. Hey, monsieur. Là, je me dis, c'est une conspiration. C'est un voyage qui va se passer. Puis quand. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. On va passer une pause musicale, faites-vous en pas. Oh, on y va avec une petite chanson, puis après ça, je vous reviens. C'est. Tout ça, là, c'est des chansons que vous avez jamais entendues. Ça me fait plaisir de vous présenter un groupe qui s'appelle Bimbo. Bimbo que nous allons rencontrer dans quelques. Je pourrais vous dire quand. Je regarde ma liste, là. Ah, Bimbo, c'est le 5 janvier et le 12 janvier. Alors, je leur ai consacré deux émissions. Voici, et en réponse à Bimbo, on va entendre mon ami que j'ai rencontré il y a peut-être 3-4 années, Freddy Della. Freddy Della, mais avant, Bimbo. Bimbo, what a wizard we don't Bimbo. Alors, là, c'est une réponse. Malheureusement, c'était la version instrumentale. Mais pas malheureusement, c'était merveilleux. Mais on n'a pas pu entendre les paroles. J'ai mis la version instrumentale. Mais on voit que c'est des excellents musiciens. C'est mon ami Freddy Della avec sa chanson qui s'intitulait « Elle est belle, ma moto ». En réponse à la chanson de mon ami Bimbo, qui est un groupe, le groupe Bimbo, qui, eux, ont fait une pièce musicale qui s'appelle « Ride mon bike ». Et mon retour, ben pas mon retour, mais quand je suis parti, moi je l'offre pas le morceau, là, quand je suis parti pour... ben, je suis à l'aéroport de Québec pour faire Québec-Montréal. On entre dans l'avion. Je me fais fouiller aux douanes, classique, là, le trou de pète, puis l'argument. Et puis, là, ensuite, je prends l'avion, m'installe dans l'avion. On attendait quelqu'un qui était inscrit, mais qui n'était pas parmi nous. Qui n'était pas parmi nous. Minou. On attend. 10 minutes. Là, on dit à la fin, là, bon, ben, écoutez, Monsieur X, là, vous n'êtes pas là, on va sortir vos valises et puis on part. Mais là, on n'est pas parti immédiatement. On est resté 45 minutes à attendre. Il y avait un problème électrique. Et le capitaine a dit, et je ne vous blague pas, ils nous ont dit dans les haut-parleurs, nous nous excusons du contretemps, nous avions des problèmes électrique. Nous croyons que c'est revenu, que tout fonctionne bien. Nous croyons que, c'est, que tout fonctionne bien. Et là, j'ai dit, moi, je me souviens plus de « Je vous salue, Marie ». Ah non, puis là, mon chapelet, puis ma croyance. Puis tu crois en rien, mon Réal? Ben oui, mais là, c'était « Hey, wow! » C'est sûr que ça va piquer du nez. Il y a un problème électrique. Il vient de nous dire que peut-être c'est résorbé. Peut-être. On prend une loterie, peut-être on peut gagner, hein, on peut gagner. Hey, Niochon, achète-en des loteries, tu gagneras pas, puis on a besoin de toi, le col, hein, bon, on a besoin, hein, pardon, on a besoin de toi. Il en faut des incapables pour monter les finances québécoises, là. Ah ouais, continue, achète-en des loteries, achète-en, ah ouais, t'en as jamais acheté assez. Puis si on voit là, que tu vas faire pas un arrêt cardiaque, quoi que ça c'est après, mais une faillite personnelle, puis que tu vas vouloir te tirer en bas du pont, on va te mettre un filet pour te récupérer, pour que tu réinvestisses, que tu te remettes de l'argent encore là-dedans, dans ces affaires-là. On a besoin de toi, le crotté, on a besoin de toi! Mais là, c'est pas ça l'histoire. Excusez-moi, là, j'ai eu comme une petite montée d'adrénaline. Et là, je suis très malin dans l'adrénaline. Mais... Ah! Je suis le seul à avoir de l'adrénaline. Là, ben bon, regarde-moi ça, le scientifique. Connaissez-vous les composantes chimiques de l'adrénaline? C'est pas l'adrénaline, c'est l'adrénaline. Adrénaline, elle ne peu importe, avez-vous la composante chimique? composante chimique. Composante chimique. Moi, parce que je veux juste vous dire en passant, parce que c'est moi au cégep, là, j'ai fait un sciences humaines sans maths. Et puis par la suite, à l'université, j'ai fait des cours en création littéraire, philosophie, cinéma. Et par la suite, j'ai fait un hors-bac, pas un comeback, un hors-bac en psychologie. Là, il y a plusieurs qui me disent « Non, c'est contingenté! » C'est sûr, je ne vais pas être éthicologue, mais je voulais avoir des cours de psychologie. Donc, j'ai pris des cours qui touchaient la psychologie. Mais je ne suis pas psychologue. Je suis Renald Gagné. Enchanté. Ça va bien, vous? Les enfants vont bien? Vous avez une dure journée? Ça tombe bien, vous êtes une émission pour vous relaxer. Enfin, je l'espère. Si vous n'avez pas les yeux sortis des hublots, alors là, vous allez vouloir savoir l'histoire de mon... Nous avons attendu 60 minutes dans l'avion pour monter en direction de Montréal, trajet qui dure 35 minutes. 1h35 pour me rendre à Montréal. J'ai dit, ça commence bien mon voyage. Mais je n'avais pas mon voyage. Je préparais toutes mes rencontres dans ma tête pour avoir l'air, puis j'ai jamais eu l'air. Comme disait Brel, j'aimerais bien avoir l'air, mais j'ai pas l'air du tout. Il faut pas jouer les riches quand on n'a pas de sous. Ça, c'est extrait de la chanson « Ces gens-là ». J'ai dit « Ces gens-là ». Vous la connaissez pas? Vous voulez que je vous la fasse jouer? Je peux pas faire jouer, c'était pas dans... Non, je peux pas, j'ai pas le disque. Ici, là, j'ai du Bella. Berry Bella. Ah, j'ai... Oh oui, j'ai Gueule de bois. Oh, Gueule de bois. Un ami que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 4 ans, je crois. Et il fait de... Ça vaut la peine. Ah oh, oui. Je m'arrête ici là, quelques secondes. Là, puis après ça, je vous reviens. Une chanson qui s'appelle 24 heures et je l'ai diffusée grandement à une certaine époque. Donc, recréons cette époque-là. Oui, mais avant, il faudrait peut-être ouvrir le son. Oh! C'est juste ça! Ben voyons, OK, on y va. Je vivrai que de l'instant et d'un peu d'eau de ta fontaine. Ouvre les yeux, grand, sois certaine. Je veux tout et le veux maintenant. Les portes qui claquent, les courants d'air, ce sont des cœurs qui battent au vent. Il n'y aura plus jamais d'hier, plus jamais d'avant. Entre mes doigts de receleur coule le sable des soupirs, insaisissable ensorceleur, la cascade des fous rires, et tout ça comme un métronome sur un tempo qui va si bien. Tu carbures des phéromones pour mieux m'indiquer le chemin. Comme des amis, comme des amants. Comme des amis, des amants. Tu as des seins de contrebande et je n'ai pas assez de mains. Pour tout étreindre et pour tout prendre, je n'en aurai pas assez de mains. Vivons à la source des sources, là où tout cesse d'exister. Inutile de résister, retrouvons-nous à la grande ours. Comme des amis, comme des amants. Comme des amis, des amants. De ta présence, je sens la vie danser sur moi, reculons un peu l'échéance. C'est toujours la première fois, toujours la dernière chance. Comme à chaque fois, reculons un peu l'innocence. Comme des amis, comme des amants. Comme des amis, des amants. Comme des amis, comme des amants. Comme des amis, des amis, des amants. Je ne vivrai que de l'instant et d'un peu d'eau de ton trésor. Referme les yeux maintenant, je veux tout et j'en veux encore. C'est un joyau de la chanson francophone. C'est un auteur, compositeur, interprète qu'il faut connaître. Gueule de bois. Alors, G-U-L, espace D-E, espace B-O-A. On peut aussi dire gueule de bois. C'est extrait de son album Le Chant des peaux si bleues. Disque exceptionnel. Toutes les œuvres de cet auteur méritent le détour. Je voulais présenter peut-être une seule reprise. Ce serait peut-être une bonne idée, lors du Radioton ou un événement particulier, de se focaliser sur ce grand qui adore Michel Latraverse, alias Plume, et qui connaît son œuvre beaucoup plus que certains Québécois. Donc, oui, une histoire à suivre. Sinon, je suis revenu. Mes bagages. Et hey, puis là, tu parles d'une idée de cinglé. Je pars avec un nouveau sac à dos que je connaissais même pas. Ben, pour moi, c'est je peux pas prendre des couleurs hautes, puis c'est pas une, c'est un ton. Je peux pas partager. Pardon, allô, ça va? Ah, ça va très bien. Ouais. Le petit. Attends un petit peu. Le petit dernier. Là, j'entends crier. Ouais. Aujourd'hui, 4 septembre 2017, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Bien oui. Bon, ben, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les abords à faire le milieu, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans cette première émission de l'année, oui! Unissons-nous autour de mon amie danseuse, celle qui exprime à travers son corps toute la vérité du monde, Marion Gregg. Alors, j'arrête ici. Je vous présente tout ça en musique. Bonne émission. Et lundi, première émission de la saison. Bravo! Like a piece of my soul, we forever. Oh no, so addictive, burning me up. You're like a drug to me. So addictive, you're burning me up. So addictive. Oh no, so addictive, burning me up. One hit will set me free. So addictive, you're burning me up. So addictive. Just when I think I've shaken you off, that I'm no longer my shoulder, heavenly angel taking me through hell. Caught in this everlasting cycle, my psycho breaking light waves, breaking like the backs of slaves. My black widow, but I never been afraid. Connect like engaged to be married, but if you walk away, them say it might save my life. They tell me slay the dragon, but I can't kill my light. My sweet addiction, she the love of my life. My lovely lady heroine, she give me what I like. Oh no, so addictive. Burning me up. You're like a drug to me. So addictive. You're burning me up. So addictive. Oh no. So addictive. Burning me up. One hit will set me free. So addictive. You're burning me up. So addictive. She keep burning, burning me up. She keep burning me up. So addictive. She keep burning, burning me up. She keep burning me up. So addictive. She keep burning, burning me up. Burning me up, so addictive. She keep burning, burning me up. She keep burning me up. Just woke up in a cold sweat. Guess you got both feet and legs. Now it's freezing in this bed. Lost my cool and I can't get you out of my head. Set me free. So addictive. veux qu'on attende un peu ou on enchaîne? On peut... Allons-y! C'est ça. Marianne, comment ça va? Bien, très bien. En fait, tu t'es placée grâce à une amie que nous avons en commun. T'es... C'est ça. Exact. Ouais. Et tu fais de la danse? Je fais de la danse depuis... Qui est le parent pauvre de l'art en général, un peu comme la poésie en littérature est le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on doit ramer davantage pour en arriver à quelque chose? Un peu. Un peu beaucoup. Il faut l'aimer même plus que davantage, je pense. Oui, il faut vraiment en faire sa vie, en faire une passion, en mettant de côté plein de choses qui... Plein de choses, oui. Donc, ça veut dire des compromis? Ça veut dire des compromis, oui. Ça dépend pourquoi. Par exemple, il y en a qui se coupent totalement de leur vie sentimentale ou privée. Moi, je garde ça parce que c'est ce qui me fait vivre et être créative. Voilà. Donc, tu peux aussi dire adieu à certains privilèges qu'un travail quotidien peut t'amener. Oui, voilà. C'est, par contre... Il y a des années où ça peut bien aller, des mois où ça peut bien aller. Puis après, et des mois... C'est ça. Au fin fond du gouffre. Monétaire. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Étant jeune, tu étais la sautillante, la petite... Oui, j'étais un peu hyperactive. Ouais, j'étais assez hyperactive, mais j'ai commencé par la musique. OK. J'ai commencé par la musique au conservatoire. Et, quelle sorte de musique? Quelle sorte de... Au début, c'était veille musicale, donc c'était un peu genre, on tape un peu, introduction, on chante un peu. OK, introduction. Voilà. Est-ce que j'ai des affinités avec la musique? C'est à peu près ça, c'est cool. Et j'avais beaucoup d'affinités avec la musique. Okay. Je suis passionnée par la musique. Mais ça, tu l'as su avec ces cours-là? Avec les cours d'éveil musical, ouais. Bah c'est ça, déjà je suis baignée dans un... Veux-tu avoir quelque chose à boire? Ouais, un Perrier. Parce que j'ai l'air de travailler. Non, mais j'ai dit si, il attend le bus, ça va quand même l'aider à faire passer le temps. Je vais faire quelque chose. Non, ah ben ça va tomber. Oui. Ça vient du Québec en passant. Pas d'inspiration, J'attends le bus là, c'est sympa. Ouais, exactement. Et puis moi je vais vous reprendre, je sais pas, non pas la même chose. Avez-vous... jus de fraise, quelque chose du genre? Ouais, je peux. Merci, excellent. Non, je pas, c'est ça. Ok, merci. Il y a du citron avec le Perrier ou? Ça va. Mon Dieu. Attention, je suis le serveur le plus agréable de Paris. Hein. Ah voilà. D'accord. Ah, mais c'est ce qu'on on a su. On a su ça aussi, c'est pour ça qu'on est ici. Elle est terminée, non? Oh oui. Ouais, c'est tout chaud. Merci. Donc, c'est cette école-là qui t'a... c'est vraiment l'immersion. L'immersion là-dedans, ouais, le conservatoire. En plus, c'était à côté de chez moi. Mon frère y était. On passait une journée dedans à croiser des chanteurs, des musiciens. Puis tu viens de Paris? Et je viens de Paris même, ouais. Quel arrondissement? 14 ans. Ah oui? Et je vis, je suis née, j'ai été élevée, je vis dans 14 ans. Alors, t'as collé dans 14 ans? Je n'ai jamais bougé. Pourquoi? Ça te rappelle ton enfance? J'ai beaucoup de souvenirs, ouais. Et t'es une fille enracinée à ton passé? Ouais. Est-ce que ça paraît dans ta danse que t'es... Oui, beaucoup. Ouais. Et ça se témoigne comment? Beaucoup de puissance, beaucoup de violence, presque. De l'adolescence? Enfance, adolescence, adulte aussi, un peu tout. La violence due à quoi? Comment se construire, et les chemins qu'on peut choisir ou pas, faire des choix... Les bons ou les mauvais, voilà, on sait pas. C'est ça. C'est de tâtonner, puis se rendre compte qu'on s'est brûlé et de repartir. Et puis de repartir avec un autre virage. Est-ce que la vie t'a amené à une certaine compréhension de la danse? Est-ce que l'existence t'a fait grandir à travers ton art? Oui, ça complètement. J'ai beaucoup changé d'ailleurs de technique dans la danse. Où avant, je pensais que j'étais très... la bouche, très théâtre, très fluide, très machin. Ouais. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que pas du tout. Est-ce que c'est un coup de poing quand tu apprends ça que... Un peu. Mais après, j'ai vu que du coup, j'étais beaucoup mieux quand j'ai accepté que j'étais pas comme ça. Alors, tu as trouvé un peu ton style en dérogeant de quelqu'un que tu admirais, mais qui te convenait pas vraiment dans la manière. Finalement, sans même réfléchir, mon corps ne fonctionnait pas. Tu cherchais à faire de l'imitation. Ouais. Ouais. Un peu. Alors comme... que mon corps, quand il s'exprimait tout seul, c'était pas ça. Et puis c'est cela, on disait imitation égale limitation. Tout à fait, Donc tu voulais pas te limiter à elle et... Mais elle reste encore pour toi. Mais pour moi, c'est... Ah oui, le maître. C'est sublime, mais... Même si vous avez pas le même style, tu vois, l'admiration, c'est d'une danseuse à une danseuse, donc c'est ça le lien. Tout à fait. Et à quel moment tu t'es dit, je veux changer de style? Je me sens pas à l'aise. C'était il y a pas longtemps. C'est... Alors pendant tout ce temps-là, tu allais à l'encontre de... J'étais très... C'est fou! Ouais. Mais en même temps, quand tu fais ça, tu étais dans la libération aussi, non? On sent que... Oui, c'était très libéré, mais du coup, je... La transe même, ça touche la transe. Et bien maintenant, ce que je fais maintenant, c'est plus là, c'est de la transe. Alors que c'est beaucoup l'abandon, plus rigide, c'est pas rigide, mais c'est plus... Technique. C'est plus technique, c'est plus carré, c'est plus cunningham en fait. Et moi qui n'aimais pas cunningham. Ah, toi, ok. Alors c'est ton petit côté anarchiste. Ouais, peut-être. En dehors des conventions. Je veux pas faire comme tout le monde. Peut-être. Et tu voyais aussi que certains danseurs et danseuses étaient pris dans un carcan. Ouais. Et tu voulais pas vivre ça. Non. Parce que tu te sentais pas à l'aise là-dedans. Non, finalement, non. Et c'est même pas moi ma tête, c'est moi mon corps. Attends, quand on t'a parlé en disant que tu m'en demandes trop c'est pas ce que je veux faire. Okay. C'est pas la direction que moi je vais emprunter comme corps. Non. Et ma tête me dit autre chose. C'est pour ça que compliqué à accepter. Puis qu'est-ce qui fait que le corps discute avec la tête et qu'il y a un changement? Douleur. Douleur physique. Douleur physique qui amène douleur psychique. Enfin, c'est un ensemble, quoi. Ça allait même dans une sorte de douleur de vie? Ouais. Oui, parce qu'après, du coup, il y a un moment où j'étais tout le temps pas trop épanouie. Ça, parce que t'avais pas trouvé j'arrivais ton chemin. Pas à un truc. Ça allait un petit peu vers quelque chose, mais ça n'aboutissait pas. Donc, c'est. Ça a été libérateur de trouver ton chemin? Et comment ça s'est fait? Comment ça s'est produit, ce changement-là? Et ça s'est produit, j'ai rencontré une chorégraphe, Nathalie Pernette, qui travaille énormément sur l'improvisation chez ses danseurs. Et du coup, toutes ses créations, c'est pratiquement que des créations. C'est elle qui fait du modelage par rapport à ce que les danseurs créent eux. Et du coup, donc ça vient d'heures et d'heures d'improvisation, etc. Pour que ça semble fluide et... Voilà, pour que les danseurs puissent être eux, à travers une pièce qu'elle crée. Sans qu'elle calque quelque chose sur ses danseurs. Du coup, elle nous a fait énormément travailler d'impro, et en fait, avec son travail d'impro, avec ses directions... Comment ça se témoigne, la danse improvisée? C'est le corps qui parle à travers la musique? Ou s'il y a quand même une certaine mise en scène? Est-ce qu'il y a une mise en scène où tout est... Il y a des tableaux, je dirais. Différents tableaux où on sait que... Un thème? Ouais, un thème, on peut dire ça. Un thème, par exemple, juste question-réponse, un thème caressé. Un thème, et par rapport à ça, après, on sait qu'on doit être dans un certain espace, on sait qu'on doit être que au sol, on sait qu'on doit être debout. Puis on doit être aussi dans un certain... une visée, d'une certaine façon. Ouais. Tu peux pas non plus faire ça n'importe comment. Non, ben non, pas du tout, justement. Faut que ça soit structuré. On a une structure, oui. Dans l'improvisation, c'est structuré, c'est pas du n'importe quoi. Ouais. Non, mais les gens ont tendance à dire ça. Oui. Il faut quand même qu'il y ait de la pratique pour que ça soit naturel, entre guillemets. Le naturel, c'est le travail. Ça arrive pas comme ça. Tu montes pas sur scène, « Ah, c'est merveilleux! » Mais parce qu'il y a beaucoup de boulot en arrière de ça. Ah oui. Complètement. Mais ça, il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a une vision de l'improvisation qui est un peu... galvaudée. Freestyle, quoi. Ouais. On fait ce qu'on veut. Exactement, mais c'est pas vrai. Non. Parce qu'il y a... Non. Il y a un gros travail derrière, il y a une prise en conscience de l'endroit où on va être, la matière, les gens... C'est ça qu'il faut prendre en compte, et on a beaucoup qui... Plus on improvise, c'est mon corps qui fait. C'est ça, c'est n'importe quoi. Mais non, il faut quand même avoir une ligne directrice. Ouais. C'est fait. Mais ça fait combien de temps? Deux, trois ans que tu as trouvé ton chemin, que tu as trouvé ta... Du coup... On va dire que ça fait trois ans que je suis très... Je sais. Not to be that scared. Espérance Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Donc, t'es plus lumineux. T'es moins habité. Il paraît, par... c'est ce qu'on m'a dit. t'es moins en prise à un spleen. Ouais. Parce qu'il y a comme un rayon qui s'est éclairé à l'intérieur de toi et le corps s'est exprimé. Ouais. Et c'est ça que tu voulais faire. Donc, c'est être heureuse d'avoir trouvé ton chemin. Mm. Et à travers ce chemin-là, est-ce que tu sens l'évolution? Parce que 3 ans, c'est quand même assez court, mais quand tu répètes régulièrement, tu répètes quoi? 5 fois par semaine? Tous les jours. OK. Il n'y a pas de congé pour une danseuse? Vaut mieux pas, parce qu'après, le corps, il a mal. Non, mais tu peux quand même en prendre 6, puis une pour le dérapage. Ouais. Ou mais non, en général, c'est un peu tous les jours, même si c'est dans la tête, mais... OK, tu danses dans ta tête. Ouais. On danse toujours dans sa tête. Et c'est peut-être l'importance, c'est de danser dans sa tête. Il faut se voir là pour se... Pour après, ouais. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup... Visualisé? pas visualisé, mais appris en regardant et en ne pas bougeant. C'est-à-dire en voyant des cours, en voyant des répétitions d'autres danseurs, en voyant... En étant spectatrice. En étant spectatrice, ouais. Mais analytique. Tout à fait. C'était pas gratuit. Non. Mais t'essayais pas de faire ce que l'autre faisait, mais t'essayais de prendre ce qui te convenait. Ouais, de voir comment il faisait, comment il réagissait aux corrections, comment... Est-ce que tu te compares souvent? Ouais. C'est difficile, hein? J'essaye de ne pas faire, mais c'est difficile. la comparaison, c'est toujours dans la visée. Ah, elle est meilleure que moi, lui, il est meilleur que moi. Est-ce qu'il y a une différence en... Pas tellement meilleure, je dirais, moi, pour moi, la comparaison. Différent? Plus... il ou elle a fait comme ça. Comment moi j'aurais fait. As-tu tendance à examiner davantage les filles ou les gars, ça n'a pas d'importance, le sexe n'a pas d'importance? Non, pour moi ça n'a pas d'importance. Alors un gars, une fille arrive à la même chose? Peu. Ouais. Et le peu, pourquoi il y a certaines ne peuvent pas parce que tu as dit peu? Donc peu, il y a comme un arrêt oui. Parce que je dirais que beaucoup de filles, malheureusement, font dire « je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça à cause que je suis que une fille ». Les garçons, c'est... beaucoup moins. Ça veut dire lever des gens, c'est ça? Ou, comment? Lever des gens ou par le côté masculin? Non, pas forcément lever des gens. Ça peut être des sauts, ça peut être... Il y a des sauts masculins, ouais, il y a des sauts ouais, féminins. Ouais, ouais. Il y a des sauts qui peuvent être très physiques et très difficiles à faire pour une femme. Et toi, tu fais de la danse unisexe? Moi, j'ai très envie de... Alors, c'est un de mes grands fantasmes. Oui, vas-y. C'est de jouer Yento. À un gars dans un ballet classique. Yento. C'est ça? D'être Don Quichotte, quoi. Ah oui. Et puis? Et voilà. Et de faire tous les sauts. Non, et de... Est-ce que tu caresses cet événement-là? Est-ce que tu y travailles à essayer de jouer le mec? Ben, on va dire que quand je danse, j'ai un côté très puissant. Et qui peut être très masculin. Dans la puissance, en fait. Pourquoi que ça serait, pourquoi tu révèles ton côté plus puissant, plus masculin? C'est parce que ça te parle c'est plus que... C'est animal, c'est purement animal. Okay. C'est ce qui sort. C'est quand primal. Je me lâche, c'est ce qui... C'est primal. C'est, ouais. C'est la communion entre les pieds et la tête? Est-ce que ça vient du bas ou ça vient du haut? Ça vient du centre. Ah, du centre? OK. Ouais. C'est purement... C'est le volcan qui... Mais ça, c'est du travail, ça vient pas comme ça. Là, on en parle, on en rit, mais... Ben, j'ai beaucoup travaillé, la technique, voilà. Et c'est ce qui en est sorti, en fait. Et tu as fait combien d'années d'études pour... Oula, d'études. J'ai commencé les écoles, cours ouais. À 5 ans. Hey. Et j'ai terminé les cours vraiment en formation. J'ai quel âge? 27 ans, bientôt. 27 ans et j'ai terminé mes cours à 24. Donc, ouais, de 5 ans à 24 ans, j'ai été toujours en cours. Quoi. Alors, c'est un processus. Là, maintenant, comme disait Brett, tu dois désapprendre ton enfance. Voilà. C'est de... Ça, c'est très dur. Oui. C'est dans le... Sortir de ça. Oui. En fait, c'est de remodeler autrement, dans le... de retirer le côté académique parce qu'on on te dirigeait vers... Puis tu peux refuser aussi le côté académique. On peut, ouais. Oui, tout à fait. Et c'est ce que tu es en train de faire. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est très dur de sortir de ça quand on a passé toute sa vie à être dans une institution avec des professeurs qui nous expliquent que c'est comme ça et que c'est pas autrement, etc. Il y a un code, toi tu dois... Il y a un code, un plié c'est comme ça, les genoux c'est dans cette direction et c'est pas dans une autre. Donc... C'est vrai qu'on sort des écoles, moi j'ai eu un moment très compliqué quand je suis sortie d'école où on nous apprend pas à sortir de l'école en fait, tout simplement. On nous dit pas, vous pouvez vous diriger par là, vous pouvez aller voir telle compagnie, travailler de cette manière-là, rencontrer les gens, le côté social, le côté... Non, on finit l'école, on a passé notre diplôme et voilà. Il n'y a aucune préparation. Il y a aucune préparation. Pas du tout. Ben, que ce soit psychologique. Mais c'est ce qui manque. Et c'est ce qui manque. Est-ce que vous en parlez souvent entre vous? Oui, j'en ai parlé pas mal avec des amis proches. Puis les professeurs ne voient pas ça? Et non. Non. Les professeurs peuvent le voir, mais les dirigeants ne le voient pas. Les directeurs d'établissements, tout ça. Il faudrait qu'il y ait des cours, quoi, des moments d'échange. La préparation à la vie artistique. Ouais. Parce que entre les écoles où vous êtes comme dans une ouate, dans un sort un confort. Un cocon, ouais. Oui. Ne sachant pas qu'à l'extérieur, ben, il n'y aura pas beaucoup d'élus. Il y a tellement de danseurs, c'est comme les comédiens et les comédiennes. Il y a beaucoup de danseurs, mais pas tant que ça, il y a plus de comédiens et comédiennes. Ouais. Mais il y a beaucoup de rêves là-dedans et la réalité, c'est tout autre. C'est vraiment. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir, c'est une bataille. Quand on sort de là, c'est la jungle. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'en es sorti la tête en dehors de... Moi, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un moment un peu difficile parce que... Bah, t'as fait ton bac, hein, c'est ça? Alors non, moi j'ai fait mon bac et après je suis rentrée en école supérieure de danse. Okay, voilà, okay. Donc à 22 ans, j'avais eu mon diplôme d'études chorégraphiques du conservatoire. Mm. Et je suis sortie de là et en fait, j'ai des amis qui sont partis, avec qui on avait monté une petite compagnie. Mais heureusement que la troupe, hein. Alors ça, c'est la première. Maintenant, on a une deuxième qui marche très bien. Mais au moins, ça commence avec une troupe. Oui, voilà. Heureusement qu'il y a la troupe. Ah, oui. Vous êtes entre amis, vous vous aidez. Oui, ouais. C'est difficile, mais on se comprend, donc vous êtes dans le même mood. On est ensemble, oui, tout à fait. Mais en tout cas, la première que j'ai montée, c'était compliqué parce que quand on est sorti de l'école, elles sont toutes parties... Faire cavalier seul. Ailleurs, au Chili. OK, à l'extérieur de la... Ouais. Du coup, pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, au secours? Et j'ai eu besoin d'un moment très... pragmatique, où je suis partie de chez mes parents, j'ai pris un boulot, 22 ans, enfin pile, je suis partie, ouais. J'ai pris un boulot de caissière, pas plein temps mais presque, et où juste j'allais au travail tous les matins, et j'avais un salaire qui tombait très fixe, et je me disais maintenant qu'est-ce que je veux faire, ouais. Pour que tu puisses te poser. Que je puisse me poser, que je me dise, bon, maintenant j'ai envie d'être seule, il me faut des sous, il faut que je décide ce que je dois faire. Voilà, donc j'ai eu un an comme ça pour te refixer, ouais, pour te recentrer. Qu'est-ce que je dois faire? Elles sont plus là, je suis toute seule, c'est pas grave, mais... Ça s'est bien passé ce moment-là? Psychologiquement, c'était très dur, parce que je suis pas du tout faite pour... Caissière? Non. Ouais. Le cartésianisme. Ça manque de créativité. Ouais, ouais, ouais, ouais. 2,50€, merci, bye, voilà. À la prochaine. C'est ça. Donc... Mais bon, ça apprend aussi la vie, c'est des choses de la vie qu'il faut connaître. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Souvent, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai que la danse, tu dis, ouais, mais ils sont dans un autre monde. Et toi, en étant caissière, non, j'ai vu un peu la réalité des choses. J'ai vu l'argent, combien ça coûte, combien le temps de travail, ce que je gagne, les gens avec qui je travaillais aussi. C'est un autre monde. Eux n'ont rien à voir avec la création. Ouais. Donc, pas du tout. C'est les enfants, le petit mari, le repas. Maman a 16 ans. Donc c'était une expérience difficile, mais où ça m'a rendue très très forte. Ben oui, ce qui se voit en part. Je suis ressortie de là, j'étais... C'est pour ça que ta danse en témoignait. T'as la danse masculine à cause de ça, à cause du fait que t'as été rapidement en conflit avec la vie. Ouais. Entrego al aire que vas dejando, yo me convierto en tu deseo. mi vida. Camarada de rebelión, florcita macumba en la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Ce travail-là, c'est... est-ce que c'est un travail qui est très demandant avec les années? Est-ce que tu t'en demandes beaucoup? Vas-tu de plus en plus chercher des forces intérieures que tu ne connaissais pas? Oui. Essayer à chaque fois de trouver quelque chose de nouveau. Surtout de dans la création, en fait. Ouais. De me surprendre, ouais. Ça arrive encore facilement? Ouais. Est-ce que je suis encore jeune. Jeune. Ben, voyons, hey, ça va. Mais... lorsque tu danses, lorsque tu te pratiques, est-ce que la caméra qui filme pour toi pour vérifier après? Alors oui, j'essaye de faire ça beaucoup, même si je supporte pas regarder. Mais en même temps, quand tu filmes, tu fais pas une danse frontale et non pas en trois dimensions, parce que tu es plus près de la caméra, tu fais comme un jeu de caméra sans faire le jeu de... Tu comprends ce que je veux dire? Pas trop. Okay. Non, mais quand tu te filmes, tu es devant la caméra, donc tu bouges pas en trois dimensions. Non. Tu sais, t'es plus un peu comme une chanteuse qui sait qui est captée. Là, ouais. Elle fera pas... Non, c'est une mousse. Ça vient pas de là, c'est une mousse qui est partie. mais c'est ça, donc tu vas essayer de suivre la caméra. Ou si tu y penses pas, puis tu fais vraiment ton numéro. Non, j'y pense pas. Par contre, quand je suis filmée, j'essaye vraiment de faire abstraction de ce truc à côté. Et quand tu te regardes... Et par contre, quand je me regarde, bon, c'est terrible, mais j'ai appris un peu avec le temps à accepter et puis à essayer de faire un travail très... avec du recul, quoi. Pas mettre d'ego dedans, pas mettre de... Mais le mieux, c'est de le regarder plus tard, pas d'attendre un peu, d'attendre un peu, pour le laisser avoir à froid. Le recul, Tu peux pratiquer, puis pendant une semaine, tu filmes une journée la semaine, puis le vendredi, ben, c'est là que tu l'écoutes. Tu le fais lundi, puis le vendredi, comme ça, tu as pratiqué. Le temps de digérer. Oui, c'est ça. Non, mais que le corps aussi, pendant une semaine, a évolué. Donc, tu dis, ah oui, je faisais ça au début, mais là, je fais plus ça. Donc, c'est la comparaison. Oui, tout à fait. Non, c'est un très bon outil. Mais... oui. Est-ce que tu travailles beaucoup en groupe? Et je travaille tout le temps en groupe, en fait. Parce que du coup, avec cette compagnie que j'ai montée l'année... La deuxième compagnie, donc qu'on a montée en fin 2015, avec Léandre, qui est un ami qui est musicien, comédien et qui s'est mis à la danse depuis 2 ans. Voilà, on l'a montée ensemble et on fait des créations, en fait. Est-ce qu'il danse? Ben, il s'y est mis il y a 2 ans. Influencé par... peut-être, Je ne sais pas. Voyons. Mais non, en fait, il s'est mis beaucoup à la danse contact. Une fois par semaine, il va au studio Keller dans le 11e. Danse contact, est-ce que tu peux raconter ce que c'est? Des gens qui se touchent. C'est juste ça. Et ça, c'est pas des partout? C'est... Non, mais... Ça peut. Ça peut virer partout. Non, mais c'est quoi? Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu... secte un peu, voilà. Ok, ah ouais? Ouais, après c'est mon sentiment, mais après c'est la danse contact, on va dire que c'est un comment, slow. Comment? Un slow, quand c'est contact, on se tape pas le partout. Non, mais c'est comment accueillir le poids de l'autre, et comment donner son poids à l'autre. Et... tu trouves ça sexuel? Ça dépend avec qui. Il y a des gens pour moi qui font ça juste par, par plaisir de palper et tout ça, donc je m'en vais très vite. Mais sinon, ou mater, beaucoup. Donc ça, je alors c'est, est-ce je me barre. Ouais, mais crois-tu que lui, ça serait son cas? Non, lui, pas du tout. Okay. Pas du tout. Non. Il est plus, bien sûr. Non. Ah, non, un corps, ça reste un corps, tu vois, masculin ou féminin. Oui, voilà, lui, c'est vraiment, il a appris la danse par ce biais-là et c'est très intéressant. Il a beaucoup progressé, donc c'est super. Moi, en tant que danseuse, vu que j'ai pas du tout le même rapport à la danse contact, mais bon, c'est une partie de la danse qui est quand même très, très intéressante. Est-ce que vous les en pratiquez ensemble? Ouais, ah, tout, ben à oui. Okay. Tout à fait. Ouais. Et le couple est né après ça? Comment? C'est le couple est né après ça? Non, non, on n'est pas non, ensemble. Non, non, faut jamais. Mais le travail que tu fais, c'est un travail qui doit avoir l'air naturel. Donc, plus on appelle, plus on voit une danseuse ou un danseur qui danse naturellement, plus il y a du travail derrière ça. Et comment, avec les années, tu gères ça? Parce que tu commences à avoir mal aux bras, aux jambes. Le corps, des fois, fonctionne moins bien. Comment l'hiver, tu es ouais, naturel, tu ouais, restes... Oui, mais l'hiver aussi, tu sais, le corps fonctionne un peu. Climatisme. Ben oui, mais là, tu es jeune, là, mais les blessures. Moi, j'ai eu des très grosses voilà. blessures. Voilà. Ouais. Tu dois dialoguer autrement avec ton corps blessé. Oui. Moi, quand j'ai eu mes blessures, j'étais très jeune. Enfin, j'étais encore en formation. Et j'avais pas encore cette capacité de du coup changer ma danse par rapport à l'endroit où j'avais mal, ce que je fais maintenant. Par exemple, si j'ai une douleur dans les trapèzes, ah, okay. au cou, tout ça, je vais changer un peu le mouvement, je vais un peu pour pas m'aggraver ma blessure, mais pour pouvoir quand même danser et présenter. Est-ce que tu es suivi par un professionnel de la santé? Oui, bien sûr. J'ai un ostéopathe, un kiné, un médecin. Ça coûte quand même assez cher? Alors, le kiné, c'est remboursé. Parce que mon médecin, vu qu'il sait que je suis danseuse, me fait des prescriptions. Ah, c'est bon. Et mon ostéopathe aussi. Donc, C'est gratos. Voilà. C'est pas gratos, mais. Non, en tout cas, c'est pas. Ouais, ouais, ouais, c'est, ouais, ça coûte ouais, pas 100, 100 balles. Ouais, ouais, ouais. Le gouvernement va payer les. Ouais. C'est comme chez nous. Tu payes ouais. le minimum et le gouvernement voilà, va payer ça. Le reste. Ouais. Et donc, pour toi, est-ce que ça te rassure ou vous êtes obligé, quand vous êtes dans le professionnel, au niveau professionnel, d'avoir ce genre de. Non, moi, ça me rassure beaucoup d'avoir un corps médical qui me connaît, qui sait ce et que je fais. Ton corps, qui le me corps suit. Médical, ouais, ouais. Mais est-ce que c'est tous les danseurs qui ont ce privilège-là ou tu es quand même des. Non, tout le monde a à peu près un suivi, après plus ou moins régulier et avec. Il y a des gens qui vont voir plusieurs ostéopathes qui ne sont pas suivis par un. Moi, toi, j'ai un... ça fait longtemps que tu l'as. Ouais. Donc, ils te connaissent. Puis... Ils me connaissent. Mais de toute façon, mon corps médical, même que ce soit les dentistes, ou pour moi, les médecins, c'est très important. J'ai besoin d'avoir des gens de confiance et que je connais depuis. Est-ce qu'ils te le disent franchement? Est-ce qu'il y en a un qui te met là, force-moi de ce côté-là? Ouais, puis... complètement. Donc, c'est toi qui dois recalibrer tout ça? Ouais. Donc, ta danse est différente à chaque fois, dépendant des. Oui, dépendant des douleurs et tout ça. Ouais. Est-ce que tu crains un peu le moment où on va te dire, ben là, écoute, il faut que tu abandonnes un style ou une sorte une routine, tu dois mm-hmm. oublier, tu dois plus faire une routine pendant X temps parce que tu es trop amoché ou. Alors, ben, c'est pas encore arrivé. C'est bizarre, mais pas du tout. Et c'est pas que j'ai hâte, mais en fait, j'ai une deuxième passion. Ah, c'est ça, ok. Qui est le travail de répétiteur. C'est-à-dire de prendre des danseurs, des spectacles, des créations et faire répéter les gens. Un peu professeur. Ouais. Je voulais en venir mais, à ça. Ouais, sans, pas le côté formateur, okay. machin, c'est mais vraiment faire répéter un spectacle et une création, la mise en scène, les intentions. Ah, ok, un peu comme au théâtre. Oui, voilà, c'est ça. La mise en place. Ouais. La mise en place et les détails des mouvements. Et ça, tu prépares à ça lorsque tu seras plus âgé. Ah ouais. C'est un truc. Mais même maintenant, je le fais pour des spectacles dans lesquels je ne suis pas ou des élèves à moi, parce que je suis professeur aussi, quand ils font des spectacles. Mais tes élèves, c'est des enfants? Alors, j'ai de 3 ans à 60 ans. Oui. C'est dans le même... Non, j'ai plusieurs endroits. OK, mais je veux dire, tu as plusieurs âges. C'est ah oui, oui, oui, complètement. Et c'est 3 à 8, 8 à... Alors, j'ai 3 à 5, 4 à 6, 7 à 10, 10 à 12, 13 à 15. Alors, tu as plus... Et après, adulte. Mais c'est combien de cours par semaine? Cette année, j'étais à 22 heures par semaine. Alors, c'est grâce à ça que tu vis? Majoritairement, oui. Et l'année prochaine, je vais donner beaucoup moins de cours parce que je me consacre plus à la compagnie. Mais il faut trouver des financements. Et c'est ce que j'allais dire, là, c'est le côté financier qui est quand même assez positif de ce côté. Hein, et là, tu vas encore te mettre en... tu vas encore jouer avec le fait que, oui, je décide de faire un autre chemin. De me mettre en malheureusement sur la sellette, hein, je sais pas comment ça ouais. va, mais c'est un choix. Tu veux te consacrer davantage. Ça, j'adore ça. Ah, t'adores le risque. J'adore ça. T'es une fille de risque. Un peu, ouais. Es-tu comme ça dans la vie privée? Ou tu préfères la vie? Oui, ouais, ouais. Alors pour toi, la vie, c'est un... Ben, j'aime bien tester, quoi. Sinon quand tu commences à t'endormir, t'aimes pas ça. tu veux changer de registre? J'aime beaucoup changer. J'aime beaucoup le changement. J'aime bien que ça bouge. À part avec mon amoureux. Ouais, ben oui, c'est ça. J'aime bien qu'il reste. Ben, exactement, ça, c'est tes assises. Ouais. Il faut garder quand même un côté un peu plus enraciné. Ouais. Parce que sinon, tu vas partir en vrille. Non, après, c'est... Voilà, l'amour te tient. Ah, oui, mais... L'amour sentimental te tient. L'amour de la danse, ben là, ça peut s'en aller dans toutes les... Ah oui, ça peut aller partout. Mais est-ce que tu envisages le côté professoral? Tu dis mettre en scène, mais le côté professoral? Ben là, je donne des cours actuellement depuis 2 ans. J'aime bien, c'est quelque chose mais qui me plaît. Mais c'est pas ta tasse de thé. J'aime bien. Ouais, mais t'aimes bien l'argent qui rentre, c'est ça? Non, je le fais, il y a des moments où vraiment de voir mes élèves qui progressent, qui apprennent quelque chose, qui prennent plaisir à, qui, tout ça, c'est jouissif comme métier. Et puis faire prendre conscience aux gens de ils leur corps talent. Et de leur, ouais. De leur talent, et c'est quand même un métier que je trouve magnifique, donc je suis très contente de le faire. Retournez chez vous, écoutez la télé, bonne chance. Non, ok. Alors, tu commences très. D'une manière basique, élémentaire. Ouais. une jambe devant, hein, un pied devant l'autre et on recommence. Alors, avec les gens comme ça, je fais beaucoup de travail de prendre conscience de son corps. Pas des trucs de technique. J'en ai rencontré. Ils vont là pour se mettre en forme, mais là, tu te rends compte que la machinerie est assez usagée. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus grand chose à faire, mais je vais le prendre en main. Ouais. Le plaisir de prendre. De prendre en main et puis de leur faire prendre conscience et de qu'ils découvrent quelque chose. Quoi. Et je trouve que quand je regarde dans la rue, les gens et tout ça. Pas beaucoup de gens ont conscience de leur corps en fait, ils prennent conscience de ce qu'ils peuvent faire avec, de leur espace, on minimise le corps. Des mouvements qu'on peut faire avec les articulations et on reste en fait toujours non, mais en même temps, quand dans certaines marche, positions. Oui, mais quand quoi. On marche, on ne commence pas à faire ça, ça fait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, peut-être dans non, ces mais mecs. On peut, marcher, J'avais vu une vidéo comme ça en Norvège, je crois, où pour traverser une rue, ils avaient mis un panneau. Donc c'est un mec qui marche super bizarrement en disant il faut traverser la route en marchant, en marchant. Et ils ont filmé et en fait les gens se prenaient au jeu et essayaient de trouver des façons de marcher. Autre que la norme. Autre que la norme. La norme. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Oui. Et du coup, les gens s'éclataient à découvrir plein de trucs. Mais là, c'est parce que c'est quand même convenu. Oui. Parce que si tu parles d'ici, tu ne feras pas ça. Tout d'un coup. Non, c'est ça. Parce que l'ambulance va arriver dans le programme. Le bonhomme qui s'inscrit dans ton cours, tu commences très, très basique avec le fait de commencer à se centrer sur son corps, à se dévoiler un peu avec... Je commence... là, j'ai un cours adulte depuis cette année où toute la moitié de l'année, j'ai fait pratiquement que de l'impro et de la... Trouver les chemins de son corps, en fait, pas de choses académiques, mesurer. Le chemin de son corps. on a tous un chemin différent, parce qu'on a tous une morphologie différente. Donc, c'est difficile quand on a des gens qui n'ont jamais fait de danse ou d'imposer un chemin et ma vision du mouvement. Donc au début, en fait, pendant 6 mois, je commence juste au sol, traverser la salle au sol, en essayant de passer par le maximum de parties du corps. Et en fait, les gens, petit à petit, commencent à s'ouvrir, à se délier. Et, c'est vachement intéressant. Est-ce que tu fonctionnes aussi ça avec la visualisation? Parce que quand tu te vois là, autrement, peut-être que le corps va suivre. Encore? Encore. Une reprise. Non, mais quand tu te vois effectuer des mouvements hors normes... Quand je me vois dans ma tête? Oui. Exemple, si tu dis à l'homme de 50 ans, visualisez-vous en train de bouger autrement dans votre tête. Est-ce que tu crois que le corps va suivre aussi? Tu commences par la tête pour arriver non, au corps? Non, je commence au corps. Corps. Je leur dis, vous, très basiquement, vous traversez au sol et vous utilisez plein de parties du corps. C'est-à-dire, on passe sur le ventre, sur le dos, sur le côté, par la tête, par les coudes, par les genoux, par les quatre membres, et vous voyez ce que ça donne. Et par contre, et petit à petit, je leur dis, pas essayer de tomber, pas faire d'à-coup, pas faire de bruit au sol. Et en fait, c'est là où ils trouvent des chemins pour passer d'une partie à l'autre du corps. Mais pas, j'aurais jamais demandé de visualiser une chose et de la reproduire avec le corps. Ça, alors, c'est un exercice intéressant. Je crois que je suis pas très cérébrale. Non, pas du tout. Mais parce qu'on dit au gymnaste, tu dois te voir sauter la barrière pour pouvoir. Oui, c'est vrai. J'avoue que je fonctionne pas trop comme ça. Non, mais écoute, chacun son style, chacun son chemin. Mais ça doit quand même te. Ça doit quand même te faire plaisir de voir que quelqu'un entre au début dans ton cours incapable de bouger et après quelques mois, se libérer. Mais j'ai eu une élève là cette année, c'était très fort, qui est arrivée en cours d'année, enfin en janvier, donc milieu d'année presque. Hein? Et on a fait un cours, elle a fait un exercice et en plein milieu d'exercice, elle est partie dans le vestiaire. Du coup, j'étais un peu mal, donc je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis à la fin de l'exercice, je vais la voir, je lui dis ça va, et en fait elle était en larmes totales. Et elle me dit, c'est pas du tout de la tristesse, c'est l'émotion, c'est la joie, je me suis jamais lâchée comme ça. Et en fait c'était juste l'émotion de... C'est le robinet qui coulait. Ouais, un peu, Ah oui, donc elle était surprise d'elle. Ouais, et ça, tu elle avait jamais vécu ça dans son corps. Quoi. Elle croyait pas que son corps pouvait arriver à ça. Imagine, dans la vie, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. C'est génial. Ouais, mais toi, tu es habitué parce que c'est ton métier. Ouais. Et pour quelqu'un qui travaille dans un bureau et arrive à faire parler son corps comme ça, c'est... Donc, le rapport avec son corps a été modifié grâce à toi et grâce à tes techniques. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce qu'il y a une école pour pouvoir amener un néophyte à bouger avec plus de dextérité que la norme. Une école? Hein? Oui. Est-ce qu'il y a une lignée, tu sais, dans les livres, est-ce qu'on dit, ben, il faut utiliser la méthode d'Amabam et aussi... Ben, je dirais qu'il y a les méthodes somatiques, déjà, qui aident beaucoup. Okay. Les Feldenkrais et Alexander, qui voilà. aident beaucoup à comprendre son corps et à savoir ce qu'on peut faire avec. Ça a pris combien de temps, toi, pour que tu puisses te dire, est-ce que tu connais... En majorité, là, en pourcentage, tu connais ton corps à quel niveau ce, de... À 150%. Oh, 150%? Sur 100. Alors, il n'y a aucun problème. Je ça a pris combien de temps pour te rendre à 150%? 20 ans. Oh. 20 ans de travail pour 150%, donc... Puis à quel moment tu t'es... Parce que ça fait combien d'années que tu te sens à 150%? L'année de mon... après deux mon ans? Prix. Tu sais, quand tu as changé de style, c'est pas... Non, c'était avant où j'ai bien compris ce que je pouvais faire avec mon corps. Est-ce que c'était une révélation? Complètement. Ma prof me l'avait dit d'ailleurs, c'était un moment où j'avais... C'était ma dernière année au conservatoire et j'avais décidé de faire une chorégraphie pour la fin de l'année... En hommage à mon amoureux. Actuel? Ouais, toujours. Et ah, c'est beau! Est-ce qu'il l'a vu? Il n'était pas là. Mais on a filmé. Et je lui avais déjà fait, ouais. Je l'avais déjà fait. C'était sur Beethoven. Qu'est-ce que t'as été... Qu'est-ce que c'est... Comment il s'est senti? Très touché. Et c'était une durée de combien de temps? Et c'était pas long, c'était 3 minutes. C'était une petite variation, un solo, quoi. Et c'est la seule, une des rares fois où j'ai pas senti de fatigue physique. Où j'ai l'impression, pendant toute la variation, c'est un peu bizarre, mais de voler. Okay. D'être au-dessus. Et de c'est vrai l'éviter, que quand j'y passe... Ouais, un peu ouais, comme en transe, c'était en ouais. transe, c'était plutôt... Ouais. Est-ce que tu essaies de recréer ça, la transcendance? Ouais. On a parlé de ça au tout début, la transe. Ouais. Complètement. Mais là, il faut un laisser-aller. Est-ce que c'est une transe contrôlée ou une transe... Ah non. Mais c'est bizarre parce que cette fois-là, par exemple, ce que je faisais, c'était très technique. Et tu oubliais la technicité. Mais c'est une des rares fois où j'ai oublié la technicité. Et quand tu es revenu après 3 minutes, est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait? Non. Ah, c'est merveilleux. J'ai juste une image de voler. De voler. Alors là, tu as dit, mon corps, je le connais à 150%. C'est grâce à l'hommage que tu as voulu ouais. donner à ton... C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et en chanson, on travaille sur des titres. Et en danse, on travaille sur des concepts. Hein, des 2, 3, 4 minutes, 5 minutes. Mm-hmm. Des numéros, des concepts, comment on appelle ça? Ouais, des numéros. Des numéros, ouais. Est-ce qu'il y a des numéros que tu reprends, un peu comme on reprend une chanson? Mm. Tout à fait, ouais. Comment ça fonctionne? Bah, souvent, comme tu disais, les vidéos. Ouais. Je reprends des vidéos d'anciennes créations de solo et je revois ce que j'ai fait et j'essaie de le... Alors le corps est très intelligent, donc en général, j'ai pas besoin de ça revient deux vite. Heures. Ça les revient... paroles comme une chanson, ouais, c'est... tu te mets facilement dans le bain. Ouais. Là, il y a mon examen d'il y a 8 ans, je peux refaire la variation sans problème. Sans revoir la vidéo. Sans revoir la vidéo. Mais ça, c'est un travail de 20 ans, comme tu disais. Ouais. Et fais-tu souvent des concerts, des spectacles? Ouais, ouais, on des essaye. Des représentations, on va parler là, de représentations. Là, avec la compagnie, on essaye d'en faire plutôt pas mal. Donc, on va en festival d'Aurillac cet été, là. Est-ce que c'est du travail original ou si tu refais des... Alors ça, c'est un spectacle qu'on a fait l'année dernière, okay. qu'on a créé l'année dernière. Et ouais, qu'on a fait d'ailleurs à ce festival, mais on n'avait pas appelé les programmateurs parce qu'on pensait qu'on n'était pas encore assez rodés. Okay. Donc là, on les appelle pour qu'on se fasse acheter. Là, vous êtes prêts? Là, on est prêts. Qu'est-ce que tu veux dire par acheter? Bah, qui nous achète pour okay. Des théâtres, pour des festivals. Et ça, où on est payé. Puis ça, c'est des spectacles de quoi? Il y a 10 représentations, 12 représentations? Ça dépend de comment ils achètent. Ils peuvent acheter pour 3 représentations, ils peuvent acheter pour une semaine, pour une soirée. Et ça, c'est dans... C'est consacré à la danse. C'est, alors, ce festival non, c'est théâtre, musique, danse. Ah, c'est intéressant. Même cirque. Ah, c'est hétéroclite. Ouais, ouais, ouais. Don't spectacle vivant. Ouais, mais d'ailleurs, nous, c'est, on fait de la musique, on danse. Léandre chante. Avec ton copain, tu, ouais. Avec le garçon avec qui, le copain créatif, ouais. Pas le copain, ok. Le copain créatif, ouais. Ouais, ouais, je joue de l'accordéon, lui il joue du corps. Tu t'es découvert un autre métier de musicienne, de chanteuse, est-ce que tu chantes? Alors, j'ai un problème avec la voix. Ok. Je déteste... Ok, t'as pas trouvé ta voix? La voix de ta voix? Non, la voix pour moi c'est un grand souci encore. Alors j'ai chanté il n'y a pas longtemps dans une soirée avec un micro les Beatles. Ok, ça c'est du karaoké. Voilà, un truc okay, comme ça. Et puis, et, c'était quoi les Ted B? Non, c'était Hey Jude. Ok. Et j'ai adoré. Ah oui, oh, ok. J'ai adoré. Mais as-tu eu des applaudissements? Ouais. Et quand tu chantes, est-ce que tu fais bouger ton corps un peu comme... Alors non, parce que je suis tétanisée, c'est ce que je disais. Pour moi, la voix, c'est très très difficile à sortir. Okay. Donc j'ai beaucoup aimé, mais je me suis dit que c'est vraiment un truc... Tu t'es pas lâché. Boss, quoi. Ah, non, moi, tu t'es pas lâché. Ou sinon, il fallait que je picole, quoi. Ah, mais... ah oui, oh, mais ça, c'est à la fin. Mais t'étais très académique. Tu suivais la musique avec... Je chantais avec les paroles. Mais tu t'es surpris quand même à avoir un certain talent. Ouais, je chante juste, donc ça va, mais bon, après, je suis pas... Mais est-ce que tu vois construire un... récital avec voix, guitare, musique, danse, tout ça en même temps, avec d'autres personnes. Un truc un peu barré, ouais. Éclaté, ouais. Ah ouais, complètement. Donc c'est l'avenir. J'aimerais bien essayer de faire ça. Est-ce que t'as beaucoup, à part d'enseigner, quand même c'est 22 heures par semaine, mais là t'es en vacances parce que les études sont terminées? Il me reste encore cette semaine, la semaine prochaine je donne un stage et après c'est fini. C'est beaucoup de travail. C'est du travail. Et là, tu commences à avoir hâte d'avoir des vacances, là? Ouais. Pour faire autre chose, pour se consacrer. Et après ça, tu vas au festival. Et après, je vais au festival fin août, ouais. Donc, c'est tout le temps dans... Je suis tout le temps dedans. Et avec les années, est-ce que les contrats se font plus facilement? Les contrôles? Non, les contrats. Est-ce que les gens t'appellent? Est-ce que ben là, avec la compagnie, on est assez contents parce qu'on l'a monté il y a un peu plus d'un an à peine. Et en fait, tout ce qu'on a fait... ça fonctionne. On nous a payé, on nous a acheté. Et c'est très rare pour une compagnie qui existe depuis un an d'être rémunérée, d'être... Et crois-tu que la spécificité que vous avez de musique danse, c'est ce qui attire le plus? Ouais, ben beaucoup. Oui. Vous avez trouvé la recette? Ouais, peut-être. Ouais. En plus, mon copain, mon amoureux, il est... Lucien. Il est percu. Donc, du coup, on travaille beaucoup ensemble, ça, c'est... Ben bon, c'est un charme, hein? Tu l'as à l'œil en même temps? Ouais. Okay. Je peux le mater et Exactement, ça paraît pas, C'est juste l'autre qui fait c'est un peu en retrait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc le travail musique, danse, ça commence un peu à prendre forme? Ouais. Ben, on fait toutes nos créations, il y a de la musique et de la danse, en fait. Mais comment ça s'est joint? Comme ça par hasard C'était assez naturel parce que Léandre, vu qu'il est musicien, donc celui avec qui j'ai monté la compagnie, il est musicien, il s'est mis à la danse et il voulait de toute façon qu'on travaille ensemble. Et moi, vu que j'adore la musique, et pour moi, c'est très difficile de danser et de mettre play sur un CD. La musique doit être ouais, en direct. En sachant qu'on a plein d'amis musiciens. Ouais, que, ouais. Puis aussi, tout peut arriver quand c'est du live. Et quand c'est du live, c'est magique. Et le magique. Corps va suivre. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais. Les erreurs, c'est merveilleux. Ouais, c'est génial. Est-ce que c'est des œuvres originales ou c'est des œuvres qui existent? Alors, c'est des œuvres... là, en février, on a fait un spectacle où on était 5 et c'était Léandre qui a composé. Ok, alors donc, c'est de l'original. C'est pas des chansons que l'on connaît. Donc. Ça dépend. Là, j'ai fait un solo. Par contre, c'était de la musique enregistrée. Là. Ok. Mais parce que c'était un travail... c'était académique. Spécial pour ça, ouais. Mais la musique, c'est quoi? C'est rock? C'est plus expérimental? Alors, c'est... ça dépend. Là, le truc où on est 5, c'est de la musique contemporaine. Donc, c'est clarinette, corde ah ouais, et bon, batterie. Ah c'est oui. Vraiment beaucoup la gambarée. Non, c'est déjanté, là. C'est sur les mathématiques, en plus. Quoi. Okay. Ah oui? Ah, c'est bien. Voilà. Alors, le corps répond aux instruments? La musique donne des lignes directives, des références, des machins, et du coup le corps part dans l'espace grâce au son. Mais ouais, c'est déjà mis en voix, c'est déjà... Ouais. Oui, okay. Oui, ce spectacle okay. Est bien... Rodé. Ouais. Et la transe peut avoir lieu? Dans celui-là, non. Ok, c'est trop calculé. C'est très... Alors il y a une transe qu'on peut avoir, c'est mais on a quand même des... C'est comme la partition musicale. Ouais, ouais. Mais bon, on peut avoir une transe dans un moment où... Mais c'est quand même, il y a des comptes en 3, en 2, ouais, et comme... on ne peut pas sortir de ça. Donc la transe peut être amenée avec ce côté métronomique, mais ça reste très métronomique. Ah, ouais. Quoi. Est-ce que tu t'éclates autant que dans la danse qui glisse là? Moi, j'adore. Ah oui, ok. Ah oui. Ah. Pourquoi c'est des standards puis c'est Je suis un peu maniaque. Ah oui. Et du coup, le savoir que mon bras est vraiment dans l'alignement de mon épaule et qu'il n'est pas un peu en dessous, un peu au-dessus. C'est, pour toi, c'est rassurant. Ah, oh, j'adore ça. OK. Parce que quand tu improvises, on ne sait plus là, si le corps est. Quand ça part en vrille. Ça part en vrille, on sait pas. Ouais. Mais en gardant quand même. Ah oui, oui, oui, les pieds à terre. Ah oui, ben oui, le style. Ouais. Le style. En parlant de style, est-ce que tu crois avoir ton propre style? Oui. Chaque danseur a son style, peut-être pas. Non. Non. Non. Et non. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a une façon de faire et l'autre ne fait que de la danse sans trop de... Mais c'est quand... C'est comme quand j'avais pas encore trouvé, moi, mon... Quand on sort des écoles, en fait, des trucs très académiques où ça se sent, en fait, quand on calque à quelque chose qu'on nous a appris et que ça vient pas, finalement, de nous, quoi. Et c'est quand tu commences à abandonner le côté éducationnel et que le personnel prend s'approprie ce qu'on a appris et s'envole. À délirer. Ouais. Et l'envol pour toi, c'est important. Complètement. Ah, sinon, c'est la liberté. C'est aussi le chaos. C'est le chaos total. Et le côté anarchiste, tu as un côté anarchiste. Apparemment. Mais anarchiste au niveau de l'art. Mais non pas au niveau visuel, parce que tu fais quand même assez classique. Je suis pas très... expressionniste au niveau... Non, visuellement, je suis pas... Non. Mais c'est plutôt normal. Oui, c'est exactement, je passe partout. Normal. Donc pour ton copain, c'est rassurant. Dis pas, là, je te présente ma copine, ne fais pas de... Elle est tout à fait particulière, accepte-la quand même, elle est dans le milieu de ta création, tu sais. Mais, bref, tu sais, t'es pas une Brigitte Fontaine, donc... Non, non, pas du tout. Non, ça, c'est clair. C'est plus calme, c'est plus calme. Mais par contre, tu l'es sur scène, tu l'es dans la création. Dans la création, oui. Et c'est pour ça, c'est comme... Exactement, c'est comme ton... C'est comme la direction que tu vas emprunter pour tout oublier, pour aussi montrer ce qui vibre en toi. Oui, complètement. C'est le moment où je peux... As-tu le goût de faire de la chorégraphie beaucoup plus intensément? Ah oui, j'adore ça. C'est, je voudrais avoir, pouvoir avoir un groupe d'artistes que je puisse rémunérer, parce que par contre je suis totalement contre le fait de gratuité, ah oui. De prendre des gens et de les faire bosser pour moi. J'ai pas assez d'ego, je sais pas ce que c'est, mais j'oserais jamais en fait faire bosser des gens pour moi. Et comment on fait pour payer un danseur? Comment ça se calcule? Bah, y a un taux minimum pour les cachets. Okay. Qui plus t'es hiérarchisé au niveau éducationnel, plus t'es payé? Non. Non, ok. Non. C'est quoi, c'est la notoriété? C'est comme un... Oui, voilà, c'est plus la notoriété. S'il y a des danseurs, des très très grands danseurs... Et tu fais partie de quelle... hiérarchie? Si je suis très bonne, moyenne bonne... Ouais, mais au niveau financier, tu te... Financier, moi, pour l'instant, je... T'es à la... Je prends ce qui arrive. Okay. Je fais pas de... Du moment qu'on a une rémunération et qu'on est pour quelque chose, après... Non, c'est vrai que je prends pas ce qui arrive. Non, c'est faux. Non, c'est quand quoi. Même... Non, mais t'es quand même sélectif. Mais non. Tu veux pas travailler pour une bouchée non, de pain. Non, pour 30 euros, non, quoi. Parce qu'il y a 20 ans derrière toi. Non, derrière toi. J'ai dit n'importe quoi. Mais je vais te raconter une belle histoire de Picasso. C'est une bourgeoise qui croise Picasso dans un café. Ouais. Et il est en train de prendre un scotch. Et elle lui demande, est-ce que vous voulez me tirer le portrait? Il dit, oh, oui, venez chez moi, là, rue Oberkampf, et j'y serai. Donc, elle se pointe avec son petit caniche, passe ce petit caniche-là. Elle dit, ouais, ben, installez-vous sur la chaise. Elle s'assoit sur la chaise, il prend le crayon, 3 minutes, il lui montre. Elle dit, 3 minutes, ouais, 3 minutes plus 60 ans. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Il y a 20 ans derrière. Oui, non, il y a 20 ans derrière, donc il ne faut pas non plus minimiser ça. Donc, ça vaut son pesant d'or. Ouais, complètement. Alors non, ça c'est vrai, je me bats quand même pour avoir un minimum syndical parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont nous acheter un spectacle et que c'est que le spectacle, mais il y a des répétitions derrière, il y a des costumes, il y a de l'investissement, enfin, il y a plein de choses. Donc, Ça c'est ton côté manager qui a un manager. Léandre me dit souvent que je gère bien ce genre de choses et que j'arrive bien

toujours le même. Faut éteindre ses câbles tout de suite parce qu'il aime. Ça qui remue, surtout dans style Maloya. Les meilleurs n'importe quel rumba. Got me? Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.